m'aider! Un patin! Oh, arrête, chérie. Sois poli, là, un peu, non? Non, t'as un patin, t'es jamais là! Mais je suis où, alors? Je suis où? Là, j'ai bien le droit de taffer, hein? Il faut bien ramener la caille à la baraque, non? Ah, tu ronfles, là! Non, t'es un patin! Vas-y, c'est... T'es qu'un fils de pute, tu me fais de la peine. Tu t'es pris pour Brad Pitt, mais tu n'es que de la merde. Tu me délaisses pour tes potes comme si c'est eux que tu pèses. T'es qu'un fils de pute, tu me fais de la peine. Tu t'es pris pour Brad Pitt, mais tu n'es que de la merde. Tu me délaisses pour tes potes comme si c'est eux que tu pèses. Ok, je pense qu'il est temps que tu dégages. Oh, c'est moi qui fais mes bagages et qui marche. Ça te ménage dans le ménage. C'est la guéguerre des roses dans l'appart. De part et d'autre, personne admet ses torts. On se dispute tous les jours sans jamais parler de divorce. Aucun mariage forcé, que de l'amour pur quand t'es en mode effort. Les femmes en veulent toujours plus. Tu m'insultes comme si j'étais le pire des salauds. Tu sais que je te trouve belle comme la femme d'un autre. Marre de te laisser gueuler sans dire un mot. J'ai peur de te retrouver dans les bras d'un autre. Putain, mais qu'elles sont folles ces femmes. D'avoir brûlé leur soutif, ça leur monte au crâne. Toujours vénère comme si elles avaient leurs règles. Cesse de te leurrer, l'heure est au règlement con. T'es qu'un fils de pute, tu me fais de la peine. Tu t'es pris pour Brad Pitt, mais tu n'es que de la merde. Tu me délaisses pour tes potes comme si c'est eux que tu pèses. T'es qu'un fils de pute, tu me fais de la peine. Tu t'es pris pour Brad Pitt, mais tu n'es que de la merde. Tu me délaisses pour tes potes comme si c'est eux. Aucune de mes sapes, la même bouffe tous les jours. Dehors toute la journée, tu n'attends que mon retour. Non pour faire l'amour, mais plutôt faire la guerre. C'est un enfer de ouf, comme ma fouque me prend la tête. Griffe devant la porte, clé dans la serrure. Ouvre-moi bébé, désolé d'avoir fait le dur. Là, ça fait le canard pour calmer le carnage. Je m'excuse sans savoir pourquoi j'ai perdu la face. Je me sens plus le même devant le miroir. C'est qui l'homme ici, elle ou moi? Quelle question bizarre. 2006, elle nous max. C'est pas très bon ça. Bientôt les mecs mettront des strings et les meufs des calbars. Festival de cris nocturnes, irruption de larmes volcaniques. Sinon c'est la drogue dure. Ce que l'amour nous procure, c'est de la haine et de la tension. C'est de la peine et de la passion. T'es qu'un fils de pute, tu me fais de la peine. Tu t'es pris pour Brad Pitt, mais tu n'es que de la merde. Tu me délaisses pour tes potes comme si c'est eux que tu pèses. T'es qu'un fils de pute, tu me fais de la peine. Tu t'es pris pour Brad Pitt, mais tu n'es que de la merde. Tu me délaisses pour tes potes comme si c'est eux. Qu'on trouve le temps de parler à nos femmes. Sinon le reste du temps frère, nous sommes à nos anges. Je ne veux pas être un clochard qui n'assume pas ses charges. C'est dans la dispute que l'amour perd de son charme. On a bien du mal à rompre quand on ne s'aime plus. Les femmes savent bien qu'un homme s'épanouit dans l'habitude. Putain, on ne va tout de même pas gâcher toutes ces années. La vie en couple c'est pouvoir dialoguer sans se fâcher. Mais tu sais que je t'aime, c'est ça. Tu sais que jamais je ne pourrais vivre sans toi. Ce morceau c'est pour les couples qui s'aiment et qui s'engueulent, qui saignent et qui s'embrassent, qui cèdent aux belles histoires. T'es qu'un fils de pute, tu me fais de la peine. Tu t'es pris pour Brad Pitt, mais tu n'es que de la merde. Tu me délaisses pour tes potes comme si c'est eux que tu pèses. T'es qu'un fils de pute, tu me fais de la peine. Tu t'es pris pour Brad Pitt, mais tu n'es que de la merde. Tu me délaisses pour tes potes comme si c'est eux que tu pèses. Là, tu me comprends chérie là, tu vois, hein? Non, moi j'en ai rien à foutre, hein. Tu me dis que des sottises, voilà, depuis tout à l'heure. Non mais hey, chérie, là j'ai pris la peine de t'expliquer. Hey, là tu me fais péter un boulon là. Hey, après faudra pas t'étonner, hein? Alors quoi, tu veux me faire quoi? Hein, tu veux me faire quoi? Dis-moi. Hein, tu me dis étonné là? Étonné? Ça veut dire quoi ça? Oh là là là là là là là là là là. Bon, hey, je crois que je vais m'arracher, c'est bien. Vas-y. T'es qu'un fils de pute, tu me fais.